Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur The Game of the Station 107 FM pour cette 32e chronique et dernière de Millennium Histoire de tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions terminé de parler de l'art corporel, ce qui donnait fin à la modification corporelle. Nous avions parlé ensuite des avantages et inconvénients du tatouage à la cornée et les progrès de la technologie, ce qui concluait le tatouage à la cornée, et nous avions terminé par le motif de la Vierge et ses significations. En effet, comme dit plus tôt, nous arrivons à la fin de ces découvertes du monde du tatouage, ainsi que de la modification corporelle plus globale. Nous avons pu découvrir tout au long de ces chroniques nombre d'informations, débutant de l'étymologie du mot tatouage jusqu'au tatouage en religion, en passant par les tatouages contraints ou sur les animaux. Ces chroniques nous ont aussi permis de voir plus d'une vingtaine de styles de tatouages, des plus connus comme le tatouage tribal, old school ou encore neo school, ou moins connus tels que le tatouage à l'encre transparente appelé aussi blacklight ou fluorescent, ou encore le tatouage à l'encre blanche. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi découvert le tatouage au henné, au jaguar ou le tatouage de la cornée. D'ailleurs, cette dernière technique est plus particulièrement utilisée dans un but médical, mais certains tatoués l'ont fait non pas pour un but médical, mais pas par envie. Parmi toutes ces chroniques, nous nous sommes légèrement éloignés du monde du tatouage, afin de nous diriger vers les modifications corporelles, telles que la scarification, le perçage, le marquage au fer ou encore le stretching. Une nouvelle fois, nous avons pu voir qu'il existait nombre de modifications qui sont faites pour un but rituel, par obligation ou par plaisir. Dans chacune de ces petites émissions, nous avons vu aussi des motifs ainsi que leur signification. La plupart n'en avaient pas qu'une seule, mais plus, ce qui nous a permis de plonger dans les légendes et des cultures. Il existe bien sûr encore de nombreux motifs de tatouage avec leur signification, et je doute que l'on arrive un jour au bout de ceux-ci. Donc, si vous êtes intéressé par un motif en particulier, n'hésitez pas à faire vos recherches sur internet afin de répondre à toutes vos questions. Ce fut très appréciable de partager avec vous tout ça, et j'espère que vous aurez appris autant de choses que moi j'en ai apprises tout au long de ce voyage dans le monde du tatouage, qui, je n'en doute pas, continuera à s'agrandir de plus en plus, et qui donnera sûrement naissance à d'autres tatoueurs exceptionnels ainsi que d'autres styles. Donc, si vous avez envie de vous faire tatouer, réfléchissez-y longuement et soyez sûr de vous faire tatouer un motif qui vous plaira toute votre vie. Car une fois fait, l'on ne peut plus enlever, si ce n'est via des séances de détatouage qui coûtent cher, plus cher que le tatouage lui-même parfois et qui fait aussi relativement mal. Si vous êtes sûr, alors foncez. Mais attention, car une fois que vous goûtez au tatouage, il est difficile de s'arrêter. Je terminerai sur une phrase que j'aime assez. Le corps est une toile dont le tatoueur en est le peintre. Je vous souhaite donc une agréable journée ou soirée et vous dis peut-être à très bientôt pour une nouvelle série de chroniques, non pas de mille et une histoires de tatouages, mais de mille et une histoires d'autres choses, l'on ne sait pas. Ciao !